Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Sylvain. Eh bien, bien le bonsoir, monsieur Scream. Bonsoir, auditrice, auditeur. Voilà, tu as pris la place du slasher. Regarde, il n'est pas là. Oui, je pique ta place. Voilà, oui, on sera deux aujourd'hui. Bah, le slasher est oui, en repos. En duo. Alors, en forme, ça, le week-end s'est bien passé. Ouais, ça a été, ouais, bien, tranquille. Un petit week-end sage, tout ouais. Se passe bien, voilà. Alors, au programme de cette émission, bah, beaucoup de nouveautés, hein, comme tout d'habitude. Et on se prépare tout doucement pour un week-end un peu marathonien, hein, car il y a la warm-up Hellfest le vendredi et le samedi le Wild Festival à Ninove. Voilà, on vous en parlera un petit peu tout à l'heure. On va commencer par une bombe, une tuerie, mais vraiment une tuerie. Ça s'appelle Perpendicular. Ça me fait penser aussi que il y a Deep Purple qui sera dans les parages le 1er juin. Mm-hmm. Voilà. Et on va s'écouter The Bullet. Franchement, c'est vraiment une véritable tuerie. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. Get it off, get it right. Looking down on the telephone, I gotta fix that phone in my head. Alors voilà, voilà, voilà, les amis, je vous l'avais dit, ça ferait mal au derrière. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Bah écoute, moi je te dis, ça m'a fait penser un peu à du Steve Vai en guitare. C'est des membres de Deep Purple, c'est pour ça que je vais en profiter, justement pour commencer cette émission avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même Ian Paice. Donc voilà, c'est vraiment une super tuerie cet album, et quand on l'entend, c'est vraiment super bien foutu. Donc on est là, on vous fait un petit coucou, hein, parce que je vois que ça commence à s'afficher, les petits coucous et tout ça. On vous fait coucou à toutes et à tous. J'espère, chers auditeurs, auditrices, que vous avez reçu vos cadeaux, hein, vos bouquins. J'ai vu qu'Agnès a reçu le bouquin de Jacques de Clairpont. Oui, félicitations Agnès. Voilà, et j'espère que si Phil nous écoute... S'il n'est pas encore tombé d'un arbre, s'il a reçu son bouquin, bah c'est super sympa. S'il nous envoie la photo, comme ça, on la publiera. Voilà. Alors, on poursuit cette émission avec le titre Empire, avec l'album qui s'appelle Trading Soul. Et on va s'écouter Payback Time. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et on en profite aussi pour faire un petit coucou au Slasher qui nous écoute. Coucou Slasher. Voilà, c'est parti. Yeah. Voilà, on a commencé très calme hein, aujourd'hui, hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est calme. On a commencé très très calme. Calme avant la tempête. Voilà, c'est tout à fait ça. Juste avant de retrouver un de tes titres, et puis ce sera la Slasher Song, on va d'abord s'écouter encore une nouveauté, de toute façon c'est des nouveautés pratiquement. Tout à fait. On va s'écouter Apalik. Epilic, si vous préférez, avec l'album qui s'appelle A Fate and the Sanity. Et on va s'écouter The Awakening. Ça va un petit peu déménager un petit peu plus que tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu pour vous réveiller, les amis. Et nous réveiller un petit peu. Et après, on arrivera avec un de tes titres. D'accord. Que pas tu de vas problème, j'ai préparé ça. Pas de problème. Pas problème. Voilà. Allez, c'est parti. Et juste comme tu disais, hein, le calme avant la tempête. La tempête. Hein, voilà. Ben bon, on va un peu radoucir ça. Et oui, ouais. Avec le groupe Adrenaline Rush, groupe, c'est une chanteuse. Donc ouais. Voilà, avec le titre Soul Survivor. Voilà, Adrenalize Rush qu'on avait déjà passé une fois, je crois, ici, mais l'album précédent, quoi. Ils sont chez Frontier Records, je crois. Mm-hmm. Donc voilà. Donc c'est un groupe de quelle origine ? Suédoise. Ah, les Suédoises. Mike Lane, je préfère aussi les Danoises. Bon, enfin, bon, bref. Non, on rigole, ben voilà. Donc, c'est ton premier coup de cœur ? Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, on rappelle que en même temps, nous, si vous voulez rencontrer l'équipe au complet, on sera samedi. Non, vendredi déjà, au warm-up, à la warm-up du Hellfest au Splendid. Tout à fait. Par contre, il faudra qu'on regarde les heures d'ouverture. Je crois que c'est 20h, je crois, hein. Il me semble, nous allons regarder ça parce qu'entre deux on fait plein de choses. Ouais. Et le lendemain, on sera à Ninov pour le Wild Festival. On remercie aussi Mike de Koon et les organisateurs de nous avoir accrédités pour ce festival. On viendra avec plein de photos. Donc, festival le glam rock, hein, surtout. C'est ça, oui. Kissing Dynamite, qui a de ce jour-là, il y a Entrance, et bien d'autres. On va vous annoncer toute l'affiche qui sera en complète. Et là, l'équipe sera encore en complète. Donc, si vous voulez nous voir du côté de Ninov, pas de problème, on sera là pas aussi. Pas de problème. Voilà, je te laisse annoncer ton titre. Donc, le groupe Adrenaline Rush avec le groupe Soul Survivor. C'est parti, les amis. Time. I thought that love was meant to last forever. When I was young, I thought that friends would always stick together. There is no one else. Eh ben voilà. Eh oui. Moi j'aime bien, franchement. Oui, c'est j'aime bien. Hein, ouais, c'est... Donc c'était Adrenaline Rush avec le titre Soul Survival. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et ça change un peu, comme on disait, toujours ouais. des envolées Female Voices. Alors il est l'heure de passer à la Slasher Song. Et qu'est-ce qu'il a été nous chercher aujourd'hui ? Eh ben, comme d'habitude, hein, il a été un peu fouillé comme ça et il nous a pris un. Le KMFDM avec le titre Megalomaniac. Voilà, il m'a dit que ça déboîte bien et que c'est très bon pour Rive d'Enfer. Donc voilà, on va lui faire confiance et on va la jouer. On verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Die Wunder dieser Welt werden dir geschenkt. Glück ist käuflich. Sehnsucht bleibt unerreicht. Preisrätsel winken. Nimmer satt. Kein Mitleid für die Mehrheit. Kein Mitleid für die Mehrheit. We'll be right back. Ben voilà, c'est un choix un peu spécial, comme d'habitude il nous fait, le slasher. Mais bon, il a pris Cam FDM, tout simplement parce que c'est un petit peu les... avant Rammstein, Cam FDM existait aussi, c'est allemand aussi. Hein. Ouais, je me doute, on l'entend. Et c'est de l'indus, hein, donc voilà. Et il aime un peu tout ce qui est un peu indus, et voilà, il a dit, ben, ça change un petit peu quand même des envolées guitares et tout ça. Et voilà, donc on a respecté son choix. Donc on vous a parlé de la warm-up, donc on va vous confirmer l'heure du jeu. Donc ça commence à ouverture des portes, 19h. Voilà, ne traînez pas car il y aura distribution de goodies concernant tout ce qui est Hellfest et tout ça, donc c'est assez intéressant, si vous vous y rendez, pensez, ça fait déjà une économie d'un gobelet par exemple, des choses comme ça quoi, donc... Voilà, il y aura aussi... des petites interventions et tout ça, vraiment super sympa. Et comme je dis, il y aura Axel du Hellfest et tout ça. Si vous avez des questions à poser, bien entendu, on poursuit la programmation. On en profite aussi pour faire un coucou au groupe Icarus Rising qui nous écoute. Coucou, gros Kissou. Ils nous ont envoyé un petit message en disant est-ce qu'on pourra booker une date car leur EP va sortir septembre. Ah, bah avec plaisir. Voilà, j'ai même pas besoin de demander à ma collègue. Vous êtes les bienvenus. Comme ouais, vous avez dit. Bienvenue. Le jour où vous verrez de l'ail au-dessus de la porte, c'est faites attention. Ah, mauvais signe. C'est le gamin qui se transforme. Voilà. Donc, oh là là là là, je vais pas passer l'hiver, moi. Ouais, je crois pas. Il faut d'abord qu'on ça arrive à l'été quand même. Hein. Parce que là, on est en printemps, c'est ça, hein, c'est le printemps pour le moment. Ouais. Oui, tout à fait, printemps. Bah, enfin, on dirait pas, on dirait que c'est l'automne. C'est pour ça que j'hésite avant de te répondre. Ouais. On est en printemps ou en automne, ouais. Là, je ne sais plus. Mais bon, je préfère qu'il fasse comme ça et que dans un mois, on soit... Ouais, j'espère aussi, parce que là, ça va être la galère, sinon. Ouais. Pour les festivals, Hellfest, Grass Pop aussi. Ouais. Hein. Ouais. Et t'as vu aussi, pas loin d'ici, il y a Urianip qui va jouer. Blue Oster Cult qui rejoue ici au château Triololol, ici à une centaine de kilomètres, où l'année dernière Scorpion avait joué. Et là, c'est... Il y avait Scorpion et ZZ Top. C'est ça, oui. Ah ouais. Et là, il y a donc deux groupes qui sont super intéressants à voir, mais c'est deux semaines après le L. D'accord. Voilà. Donc, allez, on va s'écouter, avant de retrouver un titre de ton choix, on va s'écouter... Carcaos, j'aime bien leur nom des fois, ça me fait dormir quoi, ça me fait rire debout. Carcaos, l'album s'appelle Children of the Void et on va s'écouter Sky Master et après on retrouvera un titre de ton choix. Tout à fait. Voilà, c'est parti les amis. Rise up. ça envoie du lourd quand même. Hein, ouais. Donc c'était Carcaos avec Sky Master. Voilà, on profite d'un petit, faire un petit coucou aussi à John John. Et oui, Ed le Blaster. Voilà. Enfin. Que nous recevrions, on devrait dire. Oulala, je perds Monsieur Scream en cours de route. C'est bientôt la fin. Oui. Bah, nous espérons recevoir très rapidement le groupe Ed Blaster avec certainement une petite session acoustique. Oui. Comme dès c'était convenu. Oui. Dès que l'album est sorti. Dès que l'album est sorti, voilà. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, on les entend avec champagne, whisky à gogo. Whisky à gogo, ben ouais, non. Allez, on va dire la pile, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, voilà, puis pas d'abus d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé. Ya. Alors, ton deuxième choix s'est penché sur qui et pourquoi? Alors, sur Rhino Bouquette, avec le titre Last Call, bah écoute, groupe californien, critiqué, mais bon, on verra bien. Critiqué... Plagiat. Bah oui, je me doute sûrement pourquoi est-ce qu'il est critiqué, ce groupe, hein, on dit qu'il plagie sur AC/DC. Ouais, voilà. Bah, on peut critiquer tous les groupes qui font du rock'n'roll à la façon AC/DC. Bah oui, voilà, hein, voilà, on n'a pas fini dans ces cas-là. J'ai rien contre, loin de là, on les attend aussi, hein, Overdriver, on pourrait les critiquer, ah plagier. Ah oui, ça serait bien, Overdrivers. On pourrait que je t'invite à voir aussi en concert. J'ai hein. déjà tu vu. Loupes beaucoup là, de concerts. Là, j'ai déjà vu Overdriver. Ouais, mais c'était pas le même, c'était au REM. Ouais. Bon, je critique pas le REM, mais c'est pas le même. Moi, j'ai bien aimé en tournée individuelle. Et t'as loupé aussi Ed Blaster. Hein. Faudra venir, je te tirerai. Hein. Non, en plus, moi, j'ai même des tchots de l'école. Un tchot de l'école qui me dit il faudrait ouais, voilà. Et on peut critiquer tous les groupes qui ont plagié AC/DC, comme on peut critiquer tous les groupes qui ont plagié Van Halen et tout ça. Mais que ces gens-là arrêtent de toujours remuer la merde, comme on dit, et puis qui fassent pareil. Je veux bien les voir, moi. Ouais, c'est ça. C'est facile c'est de critiquer. C'est comme les gens qui critiquent Pierre-Paul Jacques, voilà. Ben qui viennent. Pierre-Paul Jacques, il fait du reggae. Voilà. Ça, c'est dans Roots Family. Non, mais c'est vrai que c'est facile de critiquer, mais être de l'autre côté, être sur la scène et jouer, ça, c'est autre chose, bah, des bien amis. Bien sûr. Alors maintenant... À tout point de vue, hein, c'est toujours plus difficile. C'est plus facile de critiquer. Quand tu te retrouves devant un micro, devant des gens, ou même sans personne, quoi. Des fois, c'est pas évident. Même nous... animateur, animatrice, des fois il y a un bug où on se trompe dans une prononciation. Ouais. Ben il y a la fatigue aussi, puis on est humain. Tout à fait. C'est tout simplement mais je veux dire, ça. C'est toujours plus facile de critiquer que d'essayer de faire quelque chose. Ouais, exactement. Voilà. Donc moi je dis arrêtez de critiquer et plagiat. Qui maintenant, à l'heure actuelle, ne plagie pas une musique qui était dans les années 60, 50, bah, voire oui, même là. 40. Je parle même parce que je suis un amateur de musique. En tout genre, mm-hmm. Même maintenant, tout ce qui sort en R&B, c'est des samples. C'est la voix Rihanna. C'est des samples. On dit tout des Rihanna. Ouais, ou c'est des samples, c'est des morceaux qui datent des années 70 qui sont remixés. Donc arrêtez de critiquer, les amis. Exactement. Montez, jouez avec vos platines, chantez, jouez de la gratte, de la batterie, et puis si vous y arrivez, là, je vous tire mon chapeau. Et on vous fera une interview. Voilà, tout à fait. Pas de problème. Allez, vas-y, je te laisse annoncer ton titre. Donc, Rhino Bouquette avec Last Call. Do anything but go home. Come clean, I'll be clear. I'll go anywhere, but I ain't going there. You're probably waiting by the door. I don't wanna do this anymore. It's only you, it's only me. There's nothing left for us to be. All the baggage that we carry around all day. Where are the last call? You know it's true. There ain't even next to you I feel alone. Another night, another day, nothing changes even if I stay. An icy stare, a silent sigh, not a word, no way. Ben voilà. Donc et oui, donc c'était Rino Bouquet avec le titre Last Call. Ben voilà, franchement, c'est très, c'est très bien, bien. C'est rock and roll. C'est rock and roll. Voilà, on en profite encore pour faire un petit coucou un peu partout dans le monde qui nous écoute et qui nous regarde. Oui. Voilà, voilà, voilà. Alors, le prochain titre qu'on va s'écouter, on avance tout doucement vers les 21h avec une balade très, très, très spéciale. Vous verrez, mais ça, c'est pour dans un petit quart d'heure. Hein. Là, on va s'écouter Ritia Henri Kiev avec l'album qui s'appelle The Finite Cycle. C'est un EP, hein, donc c'est pas vraiment un album complet. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Industrial Dimmies avec Ryan Knife en guest. Voilà. Et après, on se retrouve tout de suite après. Oh, Ceci c'est de l'instrumental, mais j'aime bien, franchement bien foutu, bien. Un peu tordu comme ça, c'est pas mal. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on parlait un peu comme ça, parce que des fois vous entendez peut-être un petit peu des voix. Des voix. On se prépare tout doucement, on est en train de dire, ben voilà, on va préparer aussi quoi comme interview pour le Hellfest et tout ça. Et bien entendu, tout ça sera mis en clair et que vous allez pouvoir retrouver, c'est une partie des interviews, on ne pourra pas vous mettre toutes les interviews, mais une partie des interviews qu'on vous dira comment ça s'est passé avec tel ou tel membre. On vous racontera. Voilà, on vous racontera et vous verrez aussi nos rencontres et nos aventures par photo. Alors, Titanium, l'album s'appelle Atomic Number 22 et on va écouter World of Contradiction et c'est pas mal du tout. Caused by darkness is the dawn of time. Ça s'appelle le Titanium avec World of Contradiction. C'est du power, on aime bien aussi le power c'est ici. Pas mal. C'est pas mal, hein, voilà. Donc on vous rappelle aussi, hein, on vous parlera un peu après 21h, après la balade et après encore un de tes titres. On vous parlera un petit peu de l'affiche du Wild Festival qui se passe samedi à Ninove, où on sera là avec, je crois, en bonne compagnie, avec les poteaux aussi qui seront aussi pour faire des interviews, des shoots de certains groupes. Donc Festival Glam. Glam, voilà, tout je à commence. Fait. Tu vas sûrement t'habiller Glams alors. Je sais pas, je vais voir, écoute. Bah, moi, je vais peut-être mettre ma perruque Glams. Ah, chouette. Ouais, ouais. Voilà, chouette. En blond platine. Ah ouais, tu me plais comme ça. Un blond platine. Comme ça, je recours l'air plus bête que d'habitude. Mais tu n'as jamais l'air bête. Voilà. Non, mais c'est un bon festival. Et puis, ouais, non, c'est bien. Franchement, si. J'en parlerai avec des amis et des amis. Je fais un petit coucou. J'en profite d'ailleurs à Isabelle Doucy, hein, qui est photographe et qui travaille sur le Helsin, qui disait bah, c'est un peu loin pour moi, Ninove, mais c'est vrai que c'est un chouette festival. Si, c'est vrai, c'est bien. Et il y a Kissing Dynamite qui est vraiment pas mal non plus, et d'autres groupes. On vous dira tout ça tout à l'heure. On va s'écouter Beyond the Labyrinth. L'album s'appelle The Art of the Resilience, avec le titre Carry On. Et après, ce sera la balade crapuleuse d'aujourd'hui. Une balade un peu spéciale. Moi, j'appelle ça une balade car c'est vraiment un super morceau que j'affectionne très particulièrement. Of it all. Voilà, donc c'était Beyond the Labyrinth avec Carry On. Voilà, c'est vraiment super bien ouais, foutu. C'est bien ça. Ouais. Alors, là, il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Enfin, on peut appeler ça une balade. Il y en a d'autres qui vont appeler ça un morceau lourd, doom, très lent. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir au Grass Pop quand c'était encore la bonne époque du Grass Pop. Avec un mec mesurant pas moins de 2 mètres, mesuré pas moins de 2 mètres 7. Donc tu imagines le mec bien mastard, tout un éclairage, là c'était un peu plus haut pour prendre des photos, tout un éclairage vert, habillé de vert. C'est un monsieur avec une très impressionnant, qui était très impressionnant, avec une grosse voix et roulait les R quand même. Et j'ai choisi de jouer Red Waters Christmas Morning de l'album October Rust de Typo Négative, une chanson que j'affectionne très très très fortement, et je la considère un peu comme une balade. C'est très très très lourd, une bonne atmosphère qui dégage de cette balade. Uh-huh. Et voilà, donc après on se retrouve pour un de tes titres. Eh ben pas de problème. D'accord. Ah. Allez, Typo, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà un grand, grand monsieur. J'en parlais justement avec Sylvain, Peter Seal, qui nous a quittés bien trop tôt en 2010 d'une crise cardiaque. Un grand, grand monsieur qui était très, très impressionnant. J'ai eu l'occasion, je dis pas ça pour me vanter, mais de voir Typo Négative en concert. Et c'était vraiment très, très impressionnant. C'est ce qu'on peut classer un peu en doom, en gothique metal aussi. Ouais. Voilà, c'est une atmosphère. Ils arrivent à faire passer, comment je peux dire ça, c'est son état d'humeur à travers sa musique. Il faut savoir que c'est un monsieur qui était quand même assez dépressif. Il a fait des séjours en psychiatrie, il a fait des séjours en prison. Oui, c'est pour ça qu'il y avait des moments euphoriques que tu me parlais de ce DVD. C'est pas parce qu'il y a l'air youhou sur le DVD que tout va bien. Hein. Et tu sais, moi j'ai connu des gens qui étaient à fond dans leur soirée et que du lendemain, j'apprenais qu'il s'était coupé les veines ou autre. Et il avait une peur phénoménale de monter sur scène, mais une fois qu'il y était, il y était, quoi. Bah ouais. Et bon, quand on voit un grand monsieur comme ça, de 2m7, venir près de vous et hi, une voix très impressionnante, habillé toujours de vert, on aurait dit un petit martien. Enfin, un grand martien. Voilà, quoi. Monsieur est parti beaucoup trop tôt. Et il jouait beaucoup sur cette image-là aussi. À un moment donné, il avait disparu de la scène en disant... Ben, les gens disaient, ben oui, voilà, ça y est, il s'est suicidé et tout ça. Alors, il avait voulu prendre du repos et tout ça. Donc, voilà, il a eu aussi un passé assez chargé, notamment quand il s'est fait jeter de chez ses parents pendant le jour de Noël. Donc, ouais, il y a plein de choses qui faisaient que... Mais franchement, je conseille aux gens qui ne connaissent pas Typo Négative de se plancher un petit peu sur leur discographie. Et aussi, il faut savoir que avant Typo Négative, il avait formé deux groupes. Un groupe avant qui s'appelait Carnivore qui a pu jouer au Wacken à l'époque, avec un album qui a quand même eu des censures sur cet album, car ils étaient assez explicites. Et après, avant ça, il y avait un autre groupe, je ne tombe plus sur le nom, je vous le dirai, où il avait fait que seulement un 45 tours. Voilà, c'était la balade Typo Négative avec Redwater, extrait de l'album October Rust, qui veut dire tout simplement « Rouille d'octobre ». Donc voilà, vraiment tout est dit, même dans les titres. Redwater, la neige, le rouge sang, hein, et voilà, rouille d'octobre, tout veut dire tout, quoi. Voilà. Alors, on poursuit avec Val, tes titres, et tu as choisi. Alors, j'ai choisi le groupe Secret Sphere avec le titre The Calling. Voilà. C'est une nouveauté. Ouais, bah, c'est comme d'habitude. Hein. Tout à fait. Voilà, et c'est parti donc avec Secret Sphere. Voilà. I can't move, I'm still far from over. walls I need to embrace. I can drag you out into no one. Time slips round the clock, melting places. Feel no evil, cause I hear the calling. Though I can't move, I'm still far from over. Voilà, voilà, Sylvain. Eh oui, donc c'était Secret Sphere, The Calling. Voilà, moi j'aime bien les atmosphères comme ça, quand ça se termine avec des petits bruitages comme ça. Ouais, moi je suis un grottophore. Voilà. Alors, donc, on vous parle un petit peu du Wild Festival. Hein. Donc, ça innove. Et c'est samedi. C'est samedi-ci. Hein, c'est bien. Hein. Oui, ça commence à 15h. À 15h. Eh oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement rappeler des groupes qu'il y a au Wildfest et... Bah écoute, si tu me prenais pas à court, oui, je pourrais te rappeler. Non, mais c'est... moi, je sais bien qu'il y a Kissing Dynamite, qui est un super groupe à voir sur scène. Et donc, c'est un peu un festival, enfin, c'est Glam's Festival, hein, franchement, c'est à voir et à aller parce qu'il y a très très peu de festivals glams par chez nous, à part où il faut passer des frontières et aller en Italie généralement pour avoir droit à certains festivals festoches où il y a plus de groupes glams ouais. quand même que. Donc, si tu veux un rappel, c'est le cas de le dire. Alors, les portes elles s'ouvrent vers 15h, 15h30. Alors, il y aura le groupe Nightmare de Belgique. Qui n'est pas le même Nightmare qui est avec Civil War à Courtrai de Kron, c'est pas eux. Il y aura Suicide Bombers, Wild Heart, Maverick, The Amourette, Nitrain, Kissing Dynamite et Mr. Rock DJ. Voilà. Voilà, c'est pas mal tout ça. Hein. Ouais, donc c'est en Belgique, c'est à Ninove. Donc, vous trouvez tous les renseignements. Ils ont une page Facebook. Donc, c'est le Wild Fest. Mmh. Wild comme sauvage en anglais. Wild ouais. Fest. Mmh. Donc, c'est Wild Fest 2017 et c'est un festival glam. Et je tiens à préciser quand même comme ça, je remercie tous nos partenaires, car encore une fois, ils nous font confiance et ils nous offrent ces festivals. Voilà, c'est super, super chouette. Je n'aime pas dire de se voir offrir les accréditations, mais voilà quoi. Des fois, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, donc, et je tiens à remercier aussi bien côté Hellfest que côté Wild Festival ou quoi, qui nous font confiance, car on fait une bonne promo autour de leur festival, et c'est pour ça qu'ils nous font confiance aussi, quoi. Voilà. On poursuit avec cette programmation musicale, avec King Satan, avec l'album qui s'appelle Kind Fucking Satan, avec Above, So Below. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors c'est pas mal hein, quand même hein, King Satan. Hein, ouais, c'est bien ça. Un peu industriel, enfin un peu beaucoup industriel et aussi comment on peut dire avec une voix très très très venant d'outre-tombe. Oui, voilà. c'est bien ça. Moi ouais. Ça me plaît bien. Alors, je suis en train de regarder. Alors ah ouais, c'est vrai que ça fait un peu Avatar. Un peu Avatar hein, quand même. Hein, Et alors donc je voulais juste parce qu'on sera samedi vendredi pardon à la warm-up. Du Hellfest hein, avec Axel Alex pardon du Hellfest et Anna et on aura l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec eux du Hellfest et tout pour toi ça va être ton premier Hellfest et oui ouais. Donc on va en profiter pour un peu on va prendre un petit peu les routes de campagne et tout ça pour se rendre là-bas, aller à Clisson. Bah oui, on va essayer un peu d'éviter tout ce qui est péage et tout ça. Bah, quoi. C'est pas ça, mais on va prendre un peu du bon temps comme il se doit. Et comme le slasher dit, bah, c'est mes uniques vacances, entre guillemets. Ouais. Voilà, et c'est un très très bon festival. On a déjà planifié pas mal d'interviews et on remettra ça normalement. Donc ça c'est 16, 17, 18, 19. Oui, c'est ça, exactement. Non, 16, 17, 18, j'en rajoute un jour de trop. Et après, normalement, un mois et demi après, on se retrouvera au à l'Alcatraz Festival. Et avec, donc, du côté de Courtrai. Et une semaine avant, on est aussi au Lokeren. Lokeren Festival, bah, c'est donc pas c'est mal. La ville Lokeren, parce ouais. Qu'on me demande souvent... Le cœur, c'est quoi la ville ? Bah, c'est Lokeren. Mmh. C'est pas mal de festivals. Et après, le fameux REM Festival. Et là, on rappelle qu'il y a un changement de date. Ce n'est plus le vendredi et le samedi, mais c'est le samedi et dimanche. Et le dimanche, je crois que j'ai une grosse surprise à vous annoncer sur la grande scène. Voilà. Ouh. Que je ne peux pas encore annoncer. Tu ne peux pas encore annoncer. Bah, on va la garder pour soi, alors. Hein. Voilà. Tant que ce n'est pas mis, hein, je ne voudrais pas leur faire de tort. Voilà. OK. Allez, Peter Griggs avec The Beginning of the End, c'est le titre de l'album, et on va s'écouter le titre Numb Sleepwalker, et après on écoutera ta Silval Song si tu oui. Le désires. Bien sûr. Allez, c'est parti. Yourself in sacrifice. dead man walking, hanging by a thread of life. Now as you run with scissors, cut yourself not once but twice. It is a non-sleep walker, moving through the dead of night. You raise the crimson blade, commit the sacrifice. C'est pas mal du tout, hein, Peter Gray, quand même. Hein. Et oui, c'est bien ça, ça bouge bien tout. Voilà, voilà. Donc, c'était le titre Numb Sleepwalker. Alors, il est l'heure de passer à ta Sylvalsong. Voilà, alors, tu as décidé de nous jouer quoi et, alors, et pourquoi, et pourquoi? Alors, moi, j'ai choisi, comme j'avais dit la semaine dernière, j'ai choisi Iron Bastards. Ah. Alors, j'ai choisi le titre, ils sont tous bons, j'ai eu de la misère à choisir, donc j'ai pris le Fast and Dangerous. Et voilà, j'attends vos avis. Le timbre de voix est assez ressemblant à quelqu'un qu'on connaît très bien. Et j'attends vos réactions de Iron Bastards. Voilà, donc je te laisse annoncer ton titre. Alors, le titre, c'est Fast and Dangerous. All about! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsong. Rock and rollers, feel the integrity with natural killers. Nothing can stop. Eh ben, bon choix encore, hein, Sylval. Très ouais, hein. Donc c'était Iron Bastards avec Fast and Dangerous. Donc c'est un groupe français d'origine de Strasbourg. Hein. Ils sont à leur deuxième album. Et oui, il a le timbre de voix rocailleux, bien cassé. Et quand il vous parle, ben, il a le même timbre de voix, toujours cassé, rocailleux. Voilà. Donc c'est son timbre de voix naturel. Et on tient à préciser aussi que nous les rencontrerons au Hellfest. Au Hellfest, et oui, ils m'attendent au Hellfest du jeudi soir. Et avec plaisir, ils verront Monsieur Scream et notre petit slasher. Voilà. Allez, on poursuit cette programmation musicale avec Corvus Noctis. L'album s'appelle Tenebrum et on va s'écouter Ouija. Ouija, Ouija, bah, c'est succès, c'est une planche. Oui, une planche pour planche, contacter hein. Le diable. Voilà. El Diablos. On a tous le diable en soi. Et ça, j'en suis sûr et certain. Allez, c'est parti avec Corvus Noctis, c'est maintenant. Thank you. Bah, tu vois, moi j'adore ce morceau, Corvus Noctis avec Ouija. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il a une voix un peu à la Héros del Silencio et je trouve ça super, super chouette. On va se poursuivre avec un extrait du nouvel album de Danzig. Je ne sais pas si tu te souviens, Gleg Danzig, c'était le monsieur avec des cheveux fort noirs, très baraqué à l'époque dans les années fin années 80, années 90. Il nous revient avec un nouvel album, Eyes Ripped Fire. Et on va c'est bien possible. On va s'écouter. Ça. À mon avis, tu vas le reconnaître plus au timbre de voix, car il a un timbre de voix assez spécial. Et puis après, on retrouvera un de tes titres. D'accord. D'accord. C'est parti. Voilà, donc c'était Danzig avec Eyes Ripping Fire, petite nouveauté. Alors, on poursuit avec un de tes titres, et c'est Alors, les Gestalt avec le titre Judas, c'est un groupe allemand. Allemand. Eh ben, on va s'écouter ton titre, alors, et on se retrouve tout de suite après, d'accord ? Ok. Eh ben, c'est vraiment bien. À part, bon, c'est bien moi. Ouais, je suis allemand, t'aimes pas ? Non, j'aime pas du tout, mais bon. Oh, moi, ça me dérange pas du tout. Mm-hmm. Donc, c'était le groupe Lichtgestalt, donc groupe allemand, avec le titre Judas. Voilà, voilà, on poursuit cette programmation musicale avec Hertz Electric, avec Mountain and Conqueror. C'est parti, c'est maintenant. Et ben voilà, Sylvain, il est bientôt l'heure de se quitter. Hein. Et oui, déjà, ouais. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite, 2 heures. Hein, mais voilà, on va pas trop se plaindre. Juste là, à l'instant, c'était Hertz Electric avec Mountain and the Conqueror. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour vous conter nos aventures, les aventures du slasher. Oui, on aura des choses à raconter. Là, on aurait été à la Warn Up. On aura été au Wildfest. Oui, donc c'est pas mal de choses à vous raconter le lundi. Voilà, et bien entendu, vous pourrez voir des photos sur la page Facebook de Rive d'Enfer. Alors, on va se quitter avec Médusa, 1975, avec le titre Rage On. Ça, c'est un peu plus babacool, psyché. Mm-hmm. Et on se retrouve la semaine prochaine, si t'es d'accord. Eh oui, pas de problème. Voilà. À la semaine prochaine. Allez, les amis. Ciao. Et on remercie tout le monde qui nous ont écoutés. Eh oui, merci. Qui tout nous le monde. Ont envoyé des messages. Ça nous voilà, fait super bien plaisir. Plaisir. Les partages, ainsi de suite, les petits mots. Voilà. C'est toujours agréable. Mmh. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, on aura encore un livre de pompons à vous faire gagner. Voilà. Donc, soyez bien à l'écoute. On aura un livre de pompons, donc de Black Sabbath au Hellfest, à vous faire gagner. On remercie aussi tous les bons messages et on se réjouit de voir aussi nos poupettes de service. Donc Marcus et Spencer qu'on retrouvera au Hellfest. Au Hellfest. Allez, ciao Sylvain. Allez, bye bye Monsieur Scream. Ciao.